Jusqu'à 20h sur Fadjet, Demain de Maître, présenté par Olivia. C'est le bien-être au travail, quoi. Enfin, je veux dire, on est content de venir le matin, donc c'est déjà bien, oui. Contre certains. Et enfin, on dirait, si on a un peu un moment de relâchement, si on voit de nouveau ces voitures, ces belles voitures, on a de nouveau, ça reprend. Je veux dire, donc c'est une joie chaque jour de venir travailler. Oui, oui. Puis on est là, oui, même le samedi. Et puis c'est pareil pour les jeunes, on vient avec plaisir, quoi. Bonjour à tous, bienvenue dans Demain de Maître, votre émission qui pousse la porte des ateliers d'art en Lorraine et en Alsace, à écouter une fois par mois, le vendredi sur Fadjet. Aujourd'hui, Demain de Maître s'intéresse à Hubert Haberbusch, maître d'art, carrossier, restaurateur de véhicules anciens. Bonjour Hubert Haberbusch, merci de me recevoir dans votre atelier à Strasbourg, HH Service. Je suis ravi de vous accueillir aussi. Et donc, je suis Hubert Haberbusch, je suis restaurateur de véhicules de collection et en spécialité la carrosserie. Alors, en deux phrases, c'est quoi ? Nous restaurons donc nous travaillons sur le patrimoine automobile ancien, donc des voitures de collection, et nous les remettons en état ou même parfois nous reconstruisons des carrosseries complètes. Tout commence avec votre première restauration à 18 ans avec une Bugatti. J'avais donc fait un apprentissage de carrosserie constructeur et carrosserie réparateur. Et dans l'atelier où je travaillais, il y avait un des clients qui avait, quand il était étudiant, acquis une Bugatti de type Brescia. Et donc, il voulait la faire restaurer. Et donc, mon employeur, disons, ce n'était pas dans ses cordes. Et du coup, je me suis proposé pour la restaurer le week-end et le soir. Et donc, c'était ma première aventure dans la voiture ancienne. Et ça a été un coup de cœur. Voilà, c'était un coup de cœur. Et depuis, je travaille sur ces voitures, donc depuis 1973-74. Et après, je me suis installé. J'ai vu qu'à l'époque, on pouvait ce genre de métier. Enfin, il n'y avait pas beaucoup d'artisans établis pour ce genre de métier. Donc, je me suis installé à mon compte. Et en 1976, donc à Bichulaire, au nord, près de Haguenau. Et depuis, je suis dans la voiture ancienne. Et en 1989, déménagé à Strasbourg. Et qui est ma ville, enfin, où j'habitais toujours, au port du Rhin. Et donc, depuis, je suis là. Voilà. Donc là, nous sommes au cœur de votre atelier. On entend, il y a différents bruits. On va aller ensuite à la partie, plus concrète, l'atelier proprement dit. Pourquoi le choix des voitures anciennes en particulier ? C'est là qu'on peut s'exprimer. On travaille la matière. Les voitures sont belles, ont des belles formes et on peut reconstruire des voitures. C'est le travail avec la matière qui vous intéresse. Voilà, surtout, voilà. C'est pas la voiture évolue, la technique et tout ça, mais donc ça devient de plus en plus industriel. Et donc, on fait que réparer. Enfin, le métier que j'avais appris, et donc je voulais rester sur ce métier. Il n'y avait que des vieilles voitures, enfin les voitures anciennes, qui étaient capables de me fournir ce plaisir de travailler. Il y a la transmission, du coup, de ces vieilles techniques qui sont, je dirais, toujours au goût du jour, grâce à vous. Oui, donc l'intérêt pour le métier, c'est donc bien sûr travailler de la matière, de la tôle, de reformer des pièces, de fabriquer et aussi de transmettre, donc d'être entouré de jeunes gens qui sont passionnés aussi et qu'on forme donc depuis de nombreuses années. Comme il n'y a pas vraiment de formation dédiée à ce métier, donc on les forme en atelier et c'est toujours très passionnant d'avoir tous les ans des jeunes qui viennent en alternance, donc soit des compagnons du devoir ou des centres d'apprentissage. Et donc, c'est vraiment extraordinaire quoi, de pouvoir travailler, voir cet enthousiasme. Et transmettre votre savoir-faire. Oui, bien sûr, et transmettre notre savoir-faire. Oui. Il y a 10 ans, votre entreprise était labellisée Entreprise du patrimoine vivant. Et en 2017, vous êtes le premier carrossier français nommé maître d'art par la ministre de la Culture. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous ? J'ai toujours eu en même temps la passion de défendre le métier et donc de valoriser pour inciter les jeunes à faire ce métier, il faut qu'ils soient valorisés et c'est un peu comment dire, le point faible de tous ces métiers, c'est que dès qu'on est à l'atelier, c'est un peu, certains gens dévalorisent un peu les métiers manuels, tout ça. Et donc, c'était un combat de défendre ces métiers, d'arriver à avoir des titres, des reconnaissances nationales pour le métier. Et donc, c'est une grande satisfaction d'avoir obtenu tous ces titres. Vous êtes devenu un spécialiste de la restauration haut de gamme, en particulier, alors si on cite quelques marques, de Porsche, d'Aston Martin, de Jaguar, de Ferrari, de Lamborghini ou encore de Delahaye. Toutes ces marques prestigieuses, donc c'est un vrai plaisir. Comme, je veux dire, on a, je ne suis pas collectionneur, donc je n'ai pas de collection ou de... Vous n'avez voiture. Aucune voiture personnelle? Non, non, plus. Et donc, mais comme on a tellement de voitures, c'est un peu les nôtres. Dès qu'on a, parfois, on les garde un an. Et donc, c'est comme si on possédait toutes ces marques prestigieuses, Bugatti, tout ça. Donc, c'est fabuleux, quoi, de pouvoir travailler. Et puis, avoir aussi échangé avec les clients qui même, après, nous les prêtent si on veut rouler. Donc, c'est un peu comme si elles nous appartenaient toutes. C'est un peu vos enfants? Voilà. Hubert, quelle est votre création, votre restauration préférée? Je ne pourrais pas vous dire exactement. Enfin, c'est toujours la dernière. Enfin, c'est parce que c'est toujours un ensemble. Il faut qu'il y ait une belle auto. Il faut qu'il y ait un client aussi qui soit sympathique. On tient beaucoup à ce que le client participe, soit pour les pièces ou pour les documents techniques ou des trucs comme ça. Alors du coup, c'est chaque fois une aventure humaine en même temps et un truc technique. Alors chaque fois, on essaye un nouveau défi. On ne veut pas rester sur une marque précise. Donc on ne se spécialise pas sur une marque. Et donc, parce que chaque fois, il faut qu'il y ait une nouvelle découverte pour pas s'ennuyer et tout ça, quoi. Et bien sûr, quand on travaille sur des voitures prestigieuses, les premières, c'est toujours bien, on touche à des voitures mythiques. Et après, il y avait la collaboration aussi avec le musée de Mulhouse, donc de pouvoir toucher aux voitures de la collection Schlumpf. Donc ça, c'était aussi un moment, ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on travaille avec le musée. Et en même temps aussi pour le métier de restauration, dans les relations avec le conservateur, avec les ateliers du musée, donc ça, qui développent une technique un peu particulière au musée. Donc, parce qu'il y a des normes, des cahiers de charges, une méthodologie un peu différente, qui est proche des monuments historiques, comme ça. Et contrairement aux clients, les voitures de particuliers, c'est les clients qui décident. Donc parfois, on essaye de conseiller, mais les choix ne sont pas toujours ceux qu'on voudrait. Mais bon, on arrive souvent quand même à les convaincre. On a quand même une expérience, mais avec le musée, donc c'est différent, c'est normé, tout ça. Et donc ça, c'est très intéressant aussi. Et puis, ça permet d'être avec toutes ces voitures, toutes ces collections. Donc c'est un rêve. Voilà. Justement, vous l'avez dit, vous êtes également carrossier restaurateur du musée d'automobile à Mulhouse. Voilà. Donc, enfin, c'est souvent, quand c'est des gros chantiers, donc c'est des appels d'offres. Donc, il faut soumettre l'administration, enfin, au dossier, tout ça. On fait des dossiers. C'est pour ça aussi, on apprend avec ça à faire des dossiers, soumettre. On a aussi une voiture du musée du Mans. Actuellement, donc, on essaye aussi de travailler pour des trucs publics et aussi pour après transmettre, montrer aux jeunes, parce que dans l'avenir, toutes ces voitures, ce sera de plus en plus, il faudra faire des dossiers, des trucs comme ça. Alors du coup, enfin, il faut aussi que les jeunes apprennent cela. Et donc, on fait tout ça pour pérenniser tout ça, l'atelier, tout ça. Quelles émotions, Hubert, ressentez-vous lorsque vous restaurez une Bugatti, une Ferrari ou une Porsche? Enfin, c'est le quotidien, alors bien. Il n'y a pas beaucoup d'émotions. C'est le bien-être au travail, quoi. Enfin, je veux dire, on est content de venir le matin, donc c'est déjà bien. Oui. Contrairement à certains. Et, enfin, on dirait aussi, on a un peu un moment de relâchement. Si on voit de nouveau ces voitures, ces belles voitures, ça reprend. Je veux dire, donc, c'est une joie chaque jour de venir voilà. Travailler. Ben, oui, oui. Puis, on est là, oui, même le samedi. Et puis, c'est pareil pour les jeunes. On vient avec plaisir, quoi. À quoi ressemble une journée type dans l'atelier de HH Service d'Hubert? On est dans une phase actuellement de transmission de savoir et d'entreprise avec le titre et un élève, donc Isaac. Donc maintenant le but, c'est petit à petit prennent des initiatives et des décisions, tout ça, et le travail aussi. Et donc moi, je supervise un peu tout, je m'occupe de... Il y a aussi des apprentis, donc... Voilà, et puis je travaille encore un peu aussi de mes mains, quoi, de faire certaines pièces. Mais j'essaye maintenant de passer la main, quoi. Le relais. Le relais, voilà. Pour que perdure cette aventure. Voilà, oui. Donc le truc, c'est pas de après de revendre l'entreprise, enfin de la céder, mais il faut qu'elle continue dans le même esprit, et donc j'y tiens beaucoup à ça. Et c'est pour ça qu'on a, enfin, une des raisons pour laquelle on a été retenu pour ce titre, enfin le dossier, parce qu'il y a une volonté vraiment de transmettre et de pérenniser donc l'activité artisanale, et parce que dans notre milieu, donc beaucoup de il y a beaucoup de négociants, de comme ça, qui travaillent pas avec le même esprit, et donc pour vraiment rester fidèle à l'artisan et l'artisan d'art, et donc c'est ça le but, quoi. Hubert, est-ce que vous avez le souvenir d'une commande insolite? On en a une actuellement. On a une commande de reconstruire une 4 chevaux en aluminium, donc de refabriquer à la main une carrosserie complète de 4 chevaux. Et justement, vous nous montrez un petit peu la partie démonstration, comment ça se passe lorsqu'on restaure, eh bien, par oui. exemple, une 4 chevaux. On y va, c'est parti? Oui. Voilà, nous sommes devant un jeune, donc un compagnon du devoir, donc qui est là pour une année. Donc il fait les entreprises et alors du coup, enfin, on est content s'il est content à la fin de son contrat. Je lime les excédents en fait, de matière dus en fait, au martelage de la tôle, oui. de façon à réguler un petit peu tout ça, à réguler l'aspect de surface justement de ma tôle. Isaac, c'est l'élève donc du dispositif. Oui. Voilà, qu'on va rencontrer maintenant. Bonjour Isaac. Bonjour, enchanté, Olivia. Je suis Isaac Renzing, donc ça fait 13 ans que je travaille avec Hubert dans cet atelier. Et je suis carrossier, restaurateur de véhicules de collection. Et là, vous avez quoi dans les mains? Là, c'est une structure d'un capot d'une Ferrari de course, donc que je suis en train de refaire. Qui, à peu près, à quelle taille? Ah, ça fait à peu près 90 sur 1,20 m. D'accord. En aluminium. Oui, donc couleur grise. C'est couleur grise, voilà. Et donc, vous allez faire quoi sur cette... Et donc là, je fais le contour, le renfort. Là, je l'ajuste sur la voiture et après, je fais la peau qui habille la structure. Alors, vous nous montrez concrètement quel bruit ça fait de restaurer une carrosserie de ce type. Ça fait du bruit. Je vous suis. Alors là, avant de faire la démonstration, est-ce que vous pouvez nous expliquer aux auditeurs, vous avez déposé votre tôle sur une sorte de maillet... Sur un tas. Sur un tas. Donc là, j'ai assemblé plusieurs morceaux d'aluminium soudés ensemble. Et là, avec un marteau, en tapant sur le tas, je redresse et j'ajuste la tôle en fonction de là où je veux l'amener. Et donc, ça... Donc là, vous formez la tôle, vous avez le rôle de taulier formeur, voilà, c'est bien c'est ça. Ça Oui, c'est ça. Donc là, c'est pas de la... Là, c'est une reconstruction d'une pièce neuve, en gros. Une reconstruction d'une pièce. Et ensuite, cette pièce, qu'est-ce qu'elle va devenir? Eh bien, ça va devenir le capot de cette Ferrari. Donc là, on a devant nous, je décris pour les auditeurs, une Ferrari rouge. On voit le moteur devant nous. Et donc là, vous allez mettre un petit peu le châssis, je ne sais pas si c'est le terme, le capot. Que vous venez de former. Donc voilà, là j'ai le contour, le châssis, donc qui s'ajuste dans l'ouverture du moteur. Là vous êtes en train de poser. Voilà, et une fois que ça sera bien ajusté, je forme la tôle qui va fermer tout ça et ça sera agrafé sur la structure. Ce qu'il faut dire, c'est que cette voiture, elle avait déjà un capot bien sûr, mais le capot avait été modifié et ne correspondait plus au capot d'origine. Donc le client nous demande, d'après des photos, on a fait des recherches donc, historiques sur cette voiture. Et pour avoir les formes, donc d'après photos, on reforme le capot comme il était à l'origine, à sa sortie d'usine en 1957. Très bien, merci beaucoup. Jack, qui travaille sur ce capot, donc c'est l'élève, donc il fait partie du dispositif maître-élève, donc du ministère de la Culture, et donc c'est lui qui... à qui je transmets donc encore les dernières subtilités. Enfin, il sait déjà presque tout, mais encore les dernières subtilités qui va après se reprendre l'activité, enfin l'entreprise et poursuivre mon travail, enfin mon. Voilà. Pour assurer l'avenir et la pérennité de l'entreprise. Romain ? Donc là, on a un jeune aussi qui fait partie du dispositif. On a tous les ans un jeune du dispositif de la FREMA, dispositif de transmission de savoir-faire aussi. Donc la FREMA qui est la Fédération régionale des métiers d'art d'Alsace. Voilà. Donc on est les seuls carrossiers aussi qui sont membres de la FREMA. Et donc on a intégré ce dispositif depuis, je crois que c'est le cinquième ou sixième élève, stagiaire plutôt. Et donc tous les ans, on a un stagiaire d'un profil différent qui pendant un an ou deux ans, à qui on transmet aussi le savoir et qui après on incite à soit à s'établir à son compte ou à poursuivre l'activité, ou alors rester comme Romain ou Isaac ont quitté ce dispositif. Et c'est grâce un peu à ce dispositif qu'ils ont vraiment comment dire, intégré cet esprit d'artisan et d'artisanat d'art. Voilà. On fait savoir-faire. Alors là justement, vous l'écoutez, chers auditeurs, comment ? Il y a beaucoup de bruit. Nous rejoignons Romain. Oui, donc on est revenu dans la partie, pour les auditeurs, on va dire plus calme, parce qu'on était vraiment dans la partie confection. Voilà, là on est de nouveau au bureau. Et donc il y a Romain, donc il fait partie de l'équipe aussi. Et qui fait partie aussi du projet de transmission. Donc, parce que comme l'entreprise a un peu grandi, il y a une partie gestion très importante et tout ça. Et donc Romain est plus habilité, il a fait une formation donc aussi à la FREMA, donc dans le dispositif. Après, il fait une licence de restauration, conservation de patrimoine, une licence de gestion. Donc lui, en binôme avec Isaac, s'assurera plus de la partie gestion, qui est très importante aussi pour la pérennité de l'entreprise. Qu'est-ce qui vous passionne finalement dans ce métier ? C'est l'aspect de l'automobile qu'on a. C'est. quelles émotions vous viennent quand vous travaillez à l'atelier ? Qu'est-ce qui vous motive chaque matin à venir à l'atelier ? Ce qui est agréable, c'est qu'on est un peu. Enfin, on est dans le monde économique. Mais on est quand même un peu à part, on a le privilège d'être dans un petit monde, enfin une niche comme ça, où on a des clients sympathiques, de belles voitures, des collaborateurs sympathiques. Et donc c'est ça qui est aussi, enfin j'ai déjà dit avant, qui est très agréable donc de venir. Et donc voilà, je pense que Romain va... Ouais, c'est ça, c'est le travail en atelier, c'est c'est une vision différente du travail. La vie en atelier, c'est pas la même que dans la plupart des lieux, même des autres garages de carrosserie ou garages en mécanique. Quelle atmosphère en particulier ? On est plus soudés que la plupart des entreprises. Sans jeu de mots, hein ? Ouais, sans jeu de mots, ouais. Non, on peut compter les uns sur les autres. C'est c'est un esprit familial un peu. Ouais, voilà, c'est des vraies relations. C'est pas uniquement basé sur les horaires de travail. On peut parler de tout et on peut. Voilà, ça permet de mieux évoluer aussi. Et vous êtes animé par la même passion. Voilà, c'est ça, ouais. De l'automobile et de la carrosserie. Ouais. Et puis le travail de la tôle en particulier, enfin, tout ce qui tourne autour du savoir-faire qu'on a ici et qu'on développe. Et qu'est-ce que vous préférez dans le travail de la tôle ? Sans entrer dans les détails, mais est-ce que c'est le toucher ? Est-ce que c'est peut-être le bruit, les odeurs ? À l'atelier ? Non, c'est tout ce qui tourne autour du toucher, la manière de lui donner sa forme, et après l'odeur, c'est sûr, il n'y a pas d'odeur dans la tôle, mais non, c'est la manière d'apporter le résultat final, les chemins qu'on va prendre pour obtenir ce qu'on veut, et voilà, comment... Pour façonner la tôle ? Voilà, c'est ça, ouais. C'est tout ce qu'il y a autour du toucher, parce que de toute façon, le toucher est important dans le métier, c'est comme ça qu'on arrive à voir le résultat. Il y a la vue et le toucher, donc c'est ce qui permet d'aller au bout de ce qu'on veut faire. Selon vous, Hubert, quelles qualités faut-il pour être carrossier restaurateur de véhicules de collection ? qualité. Il faut avoir une disposition, enfin manuelle un peu, enfin comme tous les métiers d'art, il faut avoir une sensibilité un peu artistique, enfin tout ça. Et puis après, il faut montrer un intérêt bien sûr pour les voitures ou pour l'histoire, surtout l'histoire de l'automobile, tout ça. Et après, il faut rester à sa place, rester modeste et aimer le travail bien fait, tout ça, l'excellence. Et puis c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal, effectivement. Quels sont vos projets à venir, Hubert ? De travailler encore quelques années, malgré mon grand âge. Non, et de surtout la transmission d'entreprise, quoi. Ça, c'est très important. Voilà, c'est déjà un objectif. Que la relève soit assurée. Comment ? Que la relève soit assurée. Voilà, et ça, c'est pas si simple. Donc, et de garder, garder l'image imprimée, afin que l'entreprise garde sa personnalité, son truc, donc, tout en respectant les repreneurs mettent la marque, mais... Qu'on conserve l'ADN de HHG Service. Voilà. Exposez-vous, Hubert, vos restaurations, où peut-on vous retrouver autre part qu'à l'atelier ? Non, on n'expose pas beaucoup. Enfin, on ne fait pas les salons, comme j'ai dit. Le client voit l'atelier et tout ça, et donc on préfère montrer dans nos locaux. Et pour qu'il voit un peu la méthode, comment on travaille, comment ça se passe. Et du coup, s'il est d'accord, il a vu. Et donc, salon, on est confronté aux marchands, tout ça. Et donc, déjà, il faut avoir les moyens. Et puis après, c'est toujours pareil. Je veux dire, si on a un showroom ou des salons, tout ça, c'est le client après qui paye tout ça. Donc, on préfère, on n'a vraiment pas besoin de... Enfin, montrer, on fait les journées portes ouvertes, on fait les journées du patrimoine, les journées des métiers d'art. Il y a quelques voitures qu'on a restaurées plus du musée qui sont visibles au musée, donc c'est suffisant pour la promotion. Et les clients, et souvent les clients montent, donc la clientèle vient surtout du bouche à oreille, et donc le client qui est satisfait, il a plaisir à montrer le travail qui a été fait, et du coup... Ça ramène des clients. Et puis Naturellement. Naturellement, donc voilà. Hubert, je vous laisse le mot de la fin pour terminer. Ce que je voudrais dire, c'est un message aux jeunes qui n'hésitent pas à s'installer à leur compte. En ce moment, donc, il y a une grande vague de métiers de l'intelligence artificielle et tout ça, et des applications, tous ces trucs-là. Et donc, il faut... il y a des métiers manuels ou des jeunes qui ont envie de s'épanouir et donc il y a des possibilités et puis on peut faire une vie avec un métier comme ça. Ne pas hésiter. Et il ne faut pas hésiter et on peut en vivre très bien. Il suffit d'avoir un train de vie qui correspond aux rentrées et puis tout se passe bien, quoi. Merci beaucoup Hubert de m'avoir reçu de votre atelier à Strasbourg, HH Service. Merci pour cette... entretien, et donc qui, j'espère, donnera à des jeunes l'envie d'aller vers ce métier, et ils peuvent nous visiter lors de journées du patrimoine ou journées portes ouvertes, on en fait souvent, ou même comme ça sur rendez-vous, on les accueille toujours avec plaisir. Retrouvez les créations d'Hubert Aberbuche, carrossier, restaurateur de véhicules de collection, sur la page Facebook Demain de Maître. Demain de Maître vous accompagne tout l'été avec des portraits d'artisans d'art en juillet et en août. Bel été à tous, à bientôt!